été répondu aux conférences du vendredi. Maintenant, il y a des choses qui sont importantes avec lesquelles je vais commencer. Premièrement, disons qu'il faudrait... C'est assez important, quand on fait certaines choses, de savoir quand il faut rire puis quand il faut être sérieux. Quand on fait quelque chose, quand c'est le temps d'être sérieux, et puis qu'on s'arrange pour avoir des choses pour nous faire rire, on risque fortement de ne pas arriver à être sérieux. Voyez-vous, la différence entre être sérieux puis entre être humoristique ou entre le fait de rire, ben, c'est deux sortes d'énergie totalement différentes qui doivent s'exprimer. Les deux sont positives, les deux sont bonnes pour l'homme, mais les deux sont différentes. Quelles que soient les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, bonnes, bonnes, mauvaises, mauvaises ou bonnes et mauvaises, les deux ne peuvent pas s'exprimer en même temps. Alors, ce qui fait que si les deux ne peuvent pas s'exprimer en même temps, il va y avoir un conflit s'il y a des perceptions au niveau de l'humour lorsque l'on devrait être sérieux ou si tout est sérieux et nous, on devrait rire. Alors, ce qui fait que ça, c'est une chose qui est assez importante à bien comprendre pour la simple raison que, au niveau de canalisation d'énergie, au niveau des phénomènes, quand moi je veux parler de choses banales, souvent ça va en frustrer quelques-uns qui aimeraient qu'on grimpe plus haut. Mais c'est les choses banales qui sont la base. C'est-à-dire que ce qui est la base dans l'évolution de l'homme, bien évidemment, c'est ce qu'il vit normalement et couramment. Ce dans quoi il n'aime pas qu'on parle. Si je vous parle de la manière de vous moucher, ben, vous savez toutes comment vous moucher. Ah, il y en a qui ont des irritations nasales, il y en a qui vont saigner du nez, mais tout le monde sait comment se moucher pareil, même s'il n'y a pas grand monde qui sait comment se moucher. Se moucher spirituellement, c'est encore bien pire. Alors, tu viens d'avoir un exemple du phénomène, justement, je te parlais, alors je ne sais pas si on pourrait modifier le décor pour permettre au sérieux de rester installé, parce que c'est important. Et souvent, on ne voit pas la différence, puis on ne voit surtout pas comment ça peut nous empêcher de faire de quoi, d'essayer d'émettre deux formes d'énergie en même temps, ou encore d'être dans un état énergétique, dans un cadre non approprié. Alors, de deux choses l'une, vous changez le cadre, vous transformez le cadre, ou ben non, vous partez, ou encore le cadre vous transforme et vous change, ou le cadre va vous expulser. Vous ne pouvez pas être sérieux puis rire en même temps. Vous ne pouvez pas rire et être sérieux en même temps. Maintenant, on peut être sérieux et ne pas se prendre au sérieux. Ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est important de voir la différence. Parce que tant qu'on est assujetti au phénomène astro, tant qu'on est manipulé par l'astral planétaire ou l'astral individuel, tant qu'on n'est pas le maître à bord, ben, faut évidemment, puis tout le temps, faire attention au contexte des choses. Le contexte des choses, ça veut dire que si vous n'êtes pas les manipulateurs du contexte, vous risquez fortement d'être la manipulation du contexte. Ça veut dire que si vous avez un contexte X et que vous voulez émettre une forme d'énergie Y, ben vous devez manipuler le contexte X pour en faire un contexte Y. Sinon, vous ne comprenez rien à l'écologie. Vous ne comprenez rien au phénomène astro, vous ne comprenez rien à la manipulation de la psychologie, donc vous ne comprenez pas non plus de quelle façon vous êtes manipulé. La façon qu'on est manipulé, elle va être découverte seulement lorsque vous allez être rendu dans un état où vous allez pouvoir manipuler l'extérieur, donc manipuler un contexte, à partir d'une idée intelligente et non pas à partir d'un désir. Vous avez une idée intelligente, c'est-à-dire qu'il y a des choses logiques, une chose intelligente qui doit être faite, une leçon à donner, une construction à bâtir ou n'importe quoi, un geste à accomplir. Si ça ne se prête pas au contexte, donc à l'extérieur, ben vous devez manipuler le contexte pour que votre action, pour ce que vous voulez faire, puisse être acceptée par le contexte. C'est le rôle des hommes politiques. C'est le rôle aussi de la publicité. Vous avez pas faim, je veux vendre du beurre de pinot. Faut que je m'arrange pour vous donner faim pour vendre mon beurre de pinot. Mon annonce est faite en fonction de ça, de transformer le contexte pour pouvoir, après ça, émettre mon énergie. Alors, ce qui fait que si vous rentrez dans un contexte sérieux puis que vous voulez rire, bien, il y a un problème qui va se poser. Le contexte sérieux va vous expulser ou va vous transformer en sérieux. Ou vous allez devoir, pour continuer à rire, vous en allez ailleurs ou transformer le contexte au complet. Tous ceux qui sont sérieux, les amener à vouloir rire. C'est la base de la manipulation, c'est la base de la découverte de la manipulation, l'enseignement. Quand vous éduquez des enfants, ben, vous avez là une école extraordinaire pour apprendre. Mais au lieu de vouloir éduquer un enfant de sorte que nous, on va pouvoir apprendre, bien, on va surtout se servir des enfants et du concept d'éducation pour pouvoir assouvir notre orgueil, pour pouvoir nous défouler, pour pouvoir avoir raison, pour pouvoir faire gonfler notre ego. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, on n'est plus des éducateurs, on n'est même pas des éduqués. On est simplement le rôle, on est assujetti au rôle de l'ego, on est l'expression de l'ego, et les contextes ne voulant pas changer parce que les contextes étant manipulés par l'orgueil des individus, autant de l'éduqué que de l'éducateur, il n'y a plus aucune démarche qui va se passer là. On doit faire quelque chose quand c'est intelligent. Premièrement, on devrait donc laisser travailler notre mental pour déterminer ce qu'il y a d'intelligent à faire. Mais ce qu'il y a d'intelligent à faire, il ne faut pas que ce soit déterminé à partir de nos concepts. Le concept, disons, du non-agir, de la non-action, me dit que je ne devrais rien faire, avoir aucun désir. C'est vrai. C'est vrai pour un individu qui n'a aucun désir. N'avoir aucun désir, ça ne veut pas dire ne désirer rien. Disons que ça veut dire ça, puis ça ne veut pas dire ça. Parce que moi, je suis dans le non-agir, donc dans le non-désir. Ce qui fait que je ne désire pas vivre. Je ne désire pas aimer. Je ne désire rien de ça. Alors je m'arrose d'essence, puis je me mets le feu. Mais si j'aurais été réellement dans l'état du non-désir, dans l'état du non-agir, donc non assujetti à ma psychologie, donc totalement mentale, j'aurais pas désiré non plus me mettre le feu, j'aurais pas désiré mourir, j'aurais pas désiré fuir une vie sans désir, parce que j'aurais été suffisamment conscient pour voir que j'ai continuellement des désirs. Mais l'état du non-désir, connu ou plus ou moins compris par la majorité des individus, c'est un état qui vous amène à ne pas désirer ce que la masse désire. C'est pas un état de non-désir, c'est un état, ça, de refoulement. C'est un état de marginalisation. C'est un état de révolution. C'est pas un état de non-désir. Désirer et ne pas désirer, c'est la même chose. Alors, ce qui fait que être dans un état où il n'y a rien, ben automatiquement, j'ai faim. J'ai un corps physique, donc je vais manger. J'ai désiré manger. C'est normal. Mais mon mental a accepté ce désir-là parce que ce désir-là, j'ai pas le choix. Je ne peux pas le changer pour l'instant. Alors, ce qui fait qu'il y a un paquet d'événements, un paquet d'actions dans votre vie qui devraient être sous-tendues par des désirs de l'ordre du corps qui le désire. On a des désirs de l'ordre du physique parce que le corps physique a des limitations et automatiquement, ces limitations-là deviennent ce qu'on appelle un désir. Étant limité, je dois dormir. J'ai donc le désir de dormir. En réalité, c'est une expression de l'ego qui désire ne plus être limité, c'est-à-dire qui désire ne plus être fatigué, qui désire ne plus être soumis à la faim, donc il va manger. Mais ça, c'est un désir que votre corps mental va accepter, parce que c'est un désir intelligent, étant donné que ça ne peut être changé par l'énergie inférieure qui manifeste ce désir-là, donc ça ne peut être changé par le corps s'il a faim. Ça ne peut être changé par le corps vital s'il est fatigué. Ça ne peut être changé par le corps psychologique s'il n'est pas rendu à un niveau d'évolution tel qu'il peut lui-même éliminer ces désirs-là. Alors le mental va l'accepter. Vous désirez aller voir un film, c'est parfait, c'est intelligent. Le cinéma est fermé, vous cassez la vitrine, c'est pas intelligent. Bon, ça, on comprend bien ça. Jusque-là, tant qu'on parle d'exemples bruts et banals comme ça, vous comprenez ça. Mais vous le comprenez tellement bien que vous n'arrivez pas à pouvoir vous en servir dans vos propres vies. Vous êtes du monde beaucoup plus subtil que la masse. Mais moi, je donne des exemples accessibles à la masse. Et prenant les exemples accessibles à la masse, étant du monde plus subtil, vous pensez souvent, pas nécessairement consciemment, mais vous pensez souvent que ça ne vous regarde pas. Et ne vous regardant pas, ça ne change rien chez vous. Mais c'est pas parce qu'on est plus subtil qu'on est moins épais. Et ça, c'est bien important de voir. Le fait de penser que tel genre d'énergie ou que tel genre d'exemple ne nous touche pas, c'est simplement parce que l'exemple qui va toucher la masse devient une parabole pour vous. Ici, je ne prends pas un exemple typique de votre vécu individuellement toutes les fois qu'on se rencontre, ben vous pensez que ça ne vous regarde pas. Mais ça devient une parabole. Voyez-vous, il y a eu un temps où ce qu'on devait donner des paraboles subtiles pour que le monde subtil comprenne. C'est à cela qu'on s'adressait. Et ce monde subtil-là est devenu suffisamment intelligent, du moins on l'a cru, pour pouvoir maintenant s'adresser à la masse, et le monde subtil vont être capables de comprendre la parabole donnée à la masse. Alors, ce qui fait que si moi je parle de certaines formes d'exemples, d'énergie supramentale qui va descendre dans un individu, il va lui donner une mutation psychologique, etc. Ça, vous l'avez entendu souvent. Mais une personne de la masse ne peut pas comprendre. Mais vu que vous êtes supérieur à la masse, ou du moins vu que la majorité le croit, si je m'adresse à la masse, vous devriez être capable de comprendre ce que je leur dis à eux autres, si vous êtes en haut d'eux autres. Mais le mot du problème, c'est que l'ego, tout content d'être supérieur à l'inférieur, quand on parle à l'inférieur, il s'évertue à croire que ça ne s'adresse pas à lui, lui étant supérieur. Ce qui va faire, et ce qui a toujours fait, que la majorité des élus n'ont pas été ceux qui auraient pu l'être, mais ont toujours été ceux qui venaient du peuple et qui n'étaient pas attendus par personne et qui étaient évidemment refusés par les élus. Quand on voit une religion ou quand on voit des prêtres ou des dirigeants, des gouverneurs, bien, eux autres devraient être les élus en cas d'apocalypse. Ce sont les êtres les plus importants de notre société. Ils devraient être les élus. Ils sont placés pour comprendre la psychologie de la masse. Ils sont placés pour pouvoir motiver puis énergiser une masse en cas de guerre ou en cas d'hécatombe, de cataclysme. Oui, mais s'il y a l'apocalypse va surgir pour détruire la société. Et ce n'est pas ceux qui dirigent la société, ceux qui ont érigé la société, qui devraient vivre. Parce qu'ils seront eux autres sans doute reconnus comme étant les principaux ennemis de l'ère du Verseau. Tu détruis une société, ce n'est pas Carpus, tu détruis les dirigeants. Tu détruis tous ceux qui manipulent la masse. Puis il y en a plusieurs personnes qui manipulent la masse, qui se croient être parmi les élus. Pourquoi? Parce qu'ils se croient supérieurs à l'inférieur. Mais les élus vont surtout surgir de l'inférieur ou du supérieur non complexé. Le supérieur qui ne se croit pas supérieur. Voyez-vous, tous les problèmes que l'homme inférieur, que l'homme de masse, que l'homme épais, donc, dense, va vivre. Même si nous, on subtilise le problème, même si nous, on arrive à être plus subtil, bien, tant qu'on est dans le cadre dense, nos problèmes sont identiques à la densité des problèmes des autres. Vous ne souffrez plus que votre ami, ou ami sans E, vous quitte. Mais vous souffrez en maudit de ne pas comprendre un principe, de ne pas comprendre un concept. Êtes-vous différent de la masse? Non. Vous êtes toujours assujetti à la souffrance. Mais si moi, je donne un exemple d'un individu qui quitte sa femme ou d'une femme qui quitte son ami, Ben, pour plusieurs individus ici, ça, c'est banal. Moi, je souffre plus ça, moi. Moi, ça fait longtemps que j'ai passé ce niveau-là. Ah oui? Mais il y a bien des choses qu'on peut te faire que tu vas souffrir. Tu as le même maudit problème. C'est pas parce que tu transposes ton problème ailleurs, ou que tu le divinises, ou que tu le spiritualises, ou que tu le subtilises, que tu es différent. L'individu qui est dans un contexte pour souffrir ou dans un contexte pour apprendre énormément, c'est un individu qui risque fortement d'apprendre, de se transformer puis de changer. Mais l'individu qui est rendu à un point où dans sa tête, il y a énormément de mots, il peut dialoguer, il peut divulguer des supposées connaissances, il peut faire énormément de choses. Cet individu-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ben, plus grand-chose, parce qu'il en sait trop. Puis ça, c'est le problème d'en savoir trop. Aussi cave que ça puisse paraître, à un moment donné, vous allez devoir comprendre. On veut grimper haut, on veut s'accrocher au nuage, mais on ne sait même pas c'est quoi le nuage, puis on ne sait même pas quel outil prendre pour pouvoir se tenir après le nuage. On va se ramasser pas mal bas sous la terre, puis pas mal plus bas que ceux qui sont restés à la surface de la terre, étant donné la hauteur de notre chute. C'est un exemple matériel. Ben oui, mais voyez-le comme il doit être vu. Voyez-vous, si je m'adresse présentement à tous ceux qui m'écoutent présentement, mais qui ne sont pas ici, parce qu'il y a plusieurs individus qui m'écoutent présentement et qui ne sont pas présentement présents dans leur corps physique à l'instant même où je parle, mais qui m'écoutent. Bien, ces individus-là, même chose, peuvent canaliser intellectuellement des formes de connaissances. Ceux qui présentement écoutent ce que je dis, et je m'adresse à ceux qui écoutent, mais qui ne sont pas ici présentement, ou qui n'étaient pas ici présentement, bien, ceux-là risquent beaucoup plus d'avoir des connaissances qui vont les aider à être supérieurs à l'inférieur tout en restant de beaucoup inférieurs à l'inférieur. C'est très, très important que vous compreniez que vous êtes différent de la masse que parce que vous êtes réceptif à certaines formes de vibrations, donc d'énergie, donc d'expression, et que le reste de la masse ne l'est pas encore. Encore. Elle ne l'est pas encore. Le gros problème dans l'évolution de n'importe quel individu, c'est qu'à un moment donné, il tombe beaucoup plus bas qu'il était parti. Ça peut durer un certain temps comme ça peut durer tout le temps. Vous rencontrez un individu, vous vous en allez dans le bois, vous avez un Jeep, vous allez jouer dans le bois avec votre Jeep, vous passez sur des chemins que personne d'autre peut passer avec leur Jeep, vous vous amusez, tout va bien. Vous êtes de ceux qui veulent transmettre une nouvelle forme d'énergie, mais vous ne la rayonnez pas encore, donc vous ne la vivez pas encore. Alors, on va venir un moment donné où vous avez en tête ce que vous aimeriez faire. Vous aimeriez, par exemple, vous promener en campagne, puis quand vous rencontrez des vieux fermiers, ben, vous et un petit nombre, vous allez lui offrir de l'aider, juste histoire d'apprendre c'est quoi faire les foins. On ne lui dit pas qu'on veut l'aider pour l'aider parce qu'il va refuser, mais si on veut acquérir une expérience, ça, il peut accepter ça même si ce n'est pas notre réel but. Notre but, c'est simplement de transmettre des connaissances. Alors, le fermier accepte pour une journée ou une demi-journée. On lui dit, nous autres, que juste une heure ou deux, juste voir c'est quoi. On va l'aider, on travaille toute la journée. On aime tellement ça que le lendemain, on veut revenir. Fait que le fermier, ben, il a vu qu'on avait bien travaillé, alors tout va bien. Alors, ça ne le dérange pas que le lendemain, on revienne. Il voit qu'on n'est pas des bombes, qu'on ne massacre pas sa machinerie, que tout est correct. Alors, le lendemain, on revient, on travaille toute la journée encore, puis ses foins sont finis. Puis là, on lui dit qu'on a bien aimé ça, on est bien content, puis qu'on l'expérience était bien le fun. Mais le fermier va se sentir coupable. Alors, le fermier va nous dire, ben là, on va vous donner un salaire. Ou ben non, venez souper chez nous au moins ce soir, parce que là, ça n'a pas d'allure. Dire, deux jours de temps, les gars ne se sont pas plaints, ils n'ont rien demandé, ils ont travaillé, ils ont tout fait à merveille. Puis là, les individus lui répondent, non, non, non, on veut pas, on n'a pas besoin de rien. Alors, le fermier va s'astiner. Fait qu'en fin de compte, pour clore la discussion, les individus vont lui dire, non, ce qu'on peut faire, c'est que si un jour, tu rencontres du monde qui aurait besoin de ce que tu veux nous donner, ben donne leur don à eux autres. Ça, c'est beau et c'est parfait. Vous êtes rendu dans un niveau d'évolution vibratoire où vous pouvez vouloir enclencher des mécanismes comme ça. Quand vous allez être rendu là, vous allez vous penser supérieur. Peut-être pas consciemment, mais vous allez agir en supérieur. Parce que déjà là, vous vous donnez un but, justement, d'aller donner des leçons à d'autres. Donc, en partant, on se pense supérieur. On l'est peut-être. Mais la vie va venir nous faire vérifier si, justement, on l'est. Alors, un jour, avec votre Jeep, vous êtes dans le bois. Il y a un individu qui a eu une fracture de genou. Alors, il est à votre chalet, par exemple. Et il neige un peu. Le chemin devient de la vase, c'est de la boue. Et puis, votre Jeep ne peut pas, il reste pris. Mais il reste pris pas juste dans le chemin, il glisse à côté du chemin. Et il y a des arbres en avant, des arbres en arrière, puis il est à côté, sur des arbres du côté. Alors, il n'y a plus rien à faire. Alors, ce que vous faites, ben, vous décidez d'aider votre copain qui est blessé à s'en aller jusqu'à sur le chemin, puis là, on va faire du pouce, puis on va rentrer à Montréal. Là, ce qui va arriver, c'est que rendu là, vous faites du pouce, il y a un camion qui arrête, une espèce de gros pick-up 4x4, et puis vous embarquez. Mais il trouve pas mal bizarre le fait qu'il y a un bonhomme qui a un genou dans le plâtre, dans le bois comme ça. Alors, il demande qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce qu'on fait là, fait qu'on lui explique qu'on était en Jeep, que le Jeep est pris dans le bois, puis tout ça. Ce bonhomme-là, c'est un comptable agréé. De cette race d'humains qui, normalement, comprend rien, ne joue qu'avec la finance, et puis, bref, au niveau spirituel, on n'a pas grand-chose à faire avec ça. Alors, on lui explique que le Jeep est dans le bois, tout ça. Fait qu'il nous dit, ben, je n'ai eu plein de Jeeps, fait que m'allez vous sortir de là, c'est facile, le camion que j'ai là, c'est un 4x4, fait qu'il n'y a aucun problème. Fait qu'on lui explique le chemin qu'on a pris pour monter là, puis on lui dit que le premier virage qu'il va rencontrer, il va rester pris dedans avec son truck à lui. Parce que nous autres, c'est un vrai Jeep, lui, c'est, ça va être 4 roues motrices, mais il faut dire c'est 4 fois long comme l'autre. Fait que les roues vont rester dans les airs, le ventre va toucher à terre, au moins à la moindre bosse. Fait que connaissant le chemin, il nous explique que c'est vrai. Mais il dit, ton Jeep, on va y aller, on va monter dans le bois, va te montrer comment on sort ça, un Jeep de là. Parfait. Fait qu'on monte, il monte à 6 mécaniques, il monte un immense creek, on monte dans le bois. Celui qui a un problème au genou reste dans le camion, il faut écouter de la musique. Fait que notre bonhomme, lui, il revient. Puis la leçon qu'on veut donner à l'humanité, ben, il est en train de nous la donner. Puis c'est un être inférieur. Alors, OK, il veut s'amuser, il veut triper lui avec, il aime ça. Fait que disons que c'est une expression de l'orgueil, ça va. N'empêche que les évolués en prennent une claque. On commence à travailler là. On grimpe le Jeep, il est croche, on le met droit avec le gros creek. On coupe du bois, on met ça en dessous des roues, ce qui fait qu'on fait un sol. On réussit à reculer le Jeep. Mais le Jeep ne pourra pas monter la côte dans laquelle, justement, il s'est embourbé, parce que on a de la misère à ouvrir les portes, on tasse la boîte tellement on est creux. Alors, le bonhomme nous dit que peut-être qu'avec des chaînes aux 4 roues, on pourrait monter. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que la veille tombe, et puis dans ceux qui sont évolués, dans ceux qui veulent donner des leçons au monde, ben, il y en a un qui a un examen très, très, très important à Montréal, puis là, on est à 80 000 de Montréal, à faire. Alors, sur le pouce, ben, il va arriver en retard. Et puis, fait que là, le Jeep, on ne peut pas le sortir, fait qu'on revient, on embarque dans le camion du comptable, donc de l'être inférieur. Puis ça, il faut remarquer que cet exemple-là, vous pouvez la vivre régulièrement parce que vous en côtoyez du monde inférieur régulièrement. Alors, il nous amène sur le bord du chemin. Puis en s'en allant, ben c'est ça, moi, il y en a un qui me demande s'il m'est là à l'heure pour l'examen. Alors, moi, je lui réponds non. Hein? Alors, notre bonhomme nous dit, c'est-tu bien, bien important ton examen? Ben, c'est important certain parce que si je le passe pas, je coule, puis si je coule, je risque de perdre mon emploi. Alors, fait que l'individu, il dit, bon, ben, ce que je peux faire, moi, j'ai pas besoin de mon camion demain. Fait que je peux te le prêter, tu monteras à Montréal avec, tu iras ton examen, tu achèteras des chaînes, puis demain, tu remonteras ici, tu me ramèneras mon camion, puis ça devrait peut-être être bon de sortir le tien. Bonhomme, je ne le connais pas, il nous a pris sur le pouce tout à l'heure, c'est un comptable, c'est un inférieur, puis nous autres, on veut donner des leçons au monde, par contre, le bonhomme, il n'est pas question qu'il en donne à personne. Fait qu'une demi-heure après, ben, je le laisse chez lui, puis je monte avec son camion, mon éclopé, puis l'autre. Et puis on monte à Montréal, j'arrive à l'heure, mon examen, passe examen, tout va bien, tout est réglé. Le lendemain, on va acheter des chaînes, on redescend, on remplit son camion d'essence avant. On y ramène son camion. Ah, lui, il nous ramène dans le bois. On met les chaînes aux quatre pattes, il nous laisse le creek parce qu'il faut qu'il aille travailler, fait qu'il nous laisse ses outils. Il dit, quand vous serez sortis, vous les ramènerez chez moi. On sort le Jeep de là, on y ramène ses outils, puis on se retourne à Montréal. Alors, si vous regardez, c'est un être inférieur qui perd sa journée, puis qui vient salir dans la boîte pour te sortir du bois, mais t'es pas sorti, qui te laisse son camion, c'est un camion de l'année. Puis lui, il va faire du pouce ou il va se démerder avec ses chums pour voyager pendant que tu as son camion. Parce que ça a l'air d'être important, puis parce que physiquement, ou ce que toi tu dégages, ça lui inspire confiance. C'est un matérialisme au bout. C'est un comptable. Quand vous autres allez être capables de faire aussi beau que les inférieurs, vous allez être proche du supérieur en crime. Parce que plus on monte haut, plus on devrait être capable de faire ce qui est facile, ce que la masse fait. Alors, l'ego, l'orgueil d'être supérieur, l'orgueil de voir, puis surtout l'orgueil de refuser la compréhension parce qu'elle est donnée par des exemples, ou parce que les exemples, soit de moi ou soit de la vie, des exemples qui s'adressent simplement au monde ordinaire. Vous voyez un clochard se promener avec son chien, puis on peut rire du clochard. Mais le clochard est peut-être capable, à son niveau, d'émettre un quota en pourcentage d'énergie que vous n'êtes pas capable d'émettre à votre niveau. Un exemple, le Canada aux Olympiques gagne 3 médailles. Les États-Unis en gagnent 75. Le Canada n'est pas bon. Ça peut être vrai. Le Canada aux Olympiques gagne 32 médailles. Les Américains en gagnent 75. Le Canada est vraiment supérieur aux Américains. Le Canada gagne 45 médailles. Les Américains en gagnent 55. Les Américains sont des inférieurs. Parce qu'on est 25 millions au Canada, on gagne 40 médailles. Ils sont 250 millions, ils gagnent 10 médailles de plus que nous autres. Si vous avez un potentiel réellement supérieur, si réellement vous êtes des êtres supérieurs, puis réellement vous en êtes, sauf que vous ne l'êtes pas comme vous le pensez, comme égoïquement parlant, vous le pensez, ou comme inconsciemment, vous le pensez. Mais si vous êtes supérieur et que vous émettez 50%, vous rayonnez 50% d'énergie non teintée, et que le clochard totalement inférieur en émet 80% de ce qu'il peut émettre, bien, c'est justement où on va trouver nos élus, dans le peuple. Pas parmi ceux qui croient être élus, puis pas parmi ceux qu'on pense qu'ils vont être élus. Alors, l'important, et je m'adresse à ceux qui sont ici, comme à ceux qui m'entendent et qui ne sont pas ici, ou qui ne sont plus ici, c'est de toujours se voir comme étant du peuple, comme étant de la masse. Et ça, c'est autant inconsciemment que consciemment. Parce que l'être qui se pense différent n'est pas différent parce que la masse se croit différent. Je l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est un exemple qui est parfait. Si vous aimez ceux qui vous aiment, puis que vous n'aimez pas ceux qui ne vous aiment pas, bien vous êtes des chiens. Parce que le chien aime ceux qui l'aiment, puis le chien n'aime pas ceux qui ne l'aiment pas. Alors, quand on fait comme tout le monde, bien on ne se donne pas des missions. Puis on ne s'imagine pas être différent. L'humilité, vous ne pouvez pas la bâtir. Mais à un moment donné, vous pouvez la rayonner, puis vous pouvez la vivre. L'humilité, c'est l'absence d'orgueil, donc l'absence d'expression de l'ego. Une personne humble qui souffre, une personne humble qui n'est pas libérée de la souffrance, une personne humble qui n'est pas libérée de tout ce que... de tout ce qu'on veut se libérer, c'est peut-être un élu. Parce que n'importe quand une leçon arrive, bien, il n'y aura pas les portes de l'orgueil pour fermer ça, pour fermer justement l'entrée de la connaissance à la connaissance. Les contextes, c'est important. Vous êtes ce que vous êtes et vous avez des contextes à l'extérieur de votre corps, donc dans votre vie. Ces contextes-là, bien, si vous pouvez les transformer, parce que c'est intelligent qu'ils soient transformés. Si c'est parce que ça vous plaît, c'est une pratique. C'est pas mauvais. Mais si vous faites des erreurs parce que vous transformez et que ça ne devrait pas être transformé, vous allez payer pour. Mais c'est une bonne pratique. Attirer à soi ce que l'on désire, ça fonctionne. Vous pouvez souffrir un crime, parce que ça prend du temps. Puis quand ça arrive, c'est plus nécessairement ce que vous désirez. Alors automatiquement, ben, vous ne comprenez plus rien, puis vous pouvez souffrir. Mais c'est une bonne pratique. Tout ce que je vous dis, j'ai sélectionné des questions. Quand on a des questions qui n'ont pas été répondues aux conférences. Et des questions aussi qui ont été posées à d'autres conférenciers. Des questions qui peuvent être banales, qui peuvent paraître banales. Et j'en ai parlé pas mal. La conférence, la personnalisation du mental. On répète des choses. Mais on ne répète pas ces choses-là seulement pour le public qui est nouveau. On les répète aussi pour le public qui est ancien. Mais qui est tellement ancien qu'il ne peut plus rien comprendre des choses simples qu'on lui a dit. Vous ne devriez pas souffrir. Ah, oh, ben ça, on sait ça, ça, on sait ça. Il pourrait monter plus haut. Ah, oh, ouais. Il pourrait monter plus haut. Puis te laisser carrément là. Aller haut, c'est quoi? C'est se transformer puis augmenter ses vibrations. C'est ça, monter haut. Monter haut, c'est pas monter en vibration intellectuelle. C'est de monter en vibration globale. Ça, c'est monter haut. Puis on monte haut quand l'individu change, quand l'individu est transformé. Là, on monte haut. Pas parce qu'on crie plus fort, pas parce qu'on va chercher des concepts plus plaisants, plus dégustables par votre intellect, puis par votre ego, plus rassurants, plus parlables après ça aux autres, plus concurrentiables. Concurrentiel, voilà. Alors, ce qui arrive, c'est que, c'est ça, j'ai des questions ici, j'ai choisi plusieurs, comme je vous dis. Et puis, à un moment donné, on ne montera pas haut. Quand on va haut, c'est quand je vais haut. On l'a dit à la dernière conférence, que quand je vais haut, c'est pas vous qui allez haut. Quand on court le marathon en une demi-heure, c'est l'athlète qui l'a couru, qui l'a fait en une demi-heure, c'est pas vous autres. C'est pas on, c'est lui. Alors, quand on va monter haut, c'est quand vous allez être capable réellement de vivre, cellule par cellule, les choses basses. C'est quand on peut vivre totalement et globalement ce qui est bon que l'on va haut. Pas juste en blabla. Michel? Tu peux élaborer comme tu veux, tu peux aller où tu veux, tu portes la question. C'est bon. Bon, ok, on va commencer avec celle-là. Pourquoi la nuit est-elle noire? N'est-elle pas sans relation avec, avec l'expansion de l'univers, Gilbert? Pourquoi la nuit est noire? N'est-elle pas en relation avec l'expansion de l'univers? J'ai des questions qui peuvent paraître. Pourquoi la nuit serait pas noire? La relation entre la nuit et l'expansion de l'univers, il n'y a pas de relation. Dans les phénomènes temporalisés, on a automatiquement des choses qui vont plus vite par rapport au temps et des choses qui vont plus lentement. Plus le temps, plus le temps va être densifié, plus il va y avoir ralentissement. Et automatiquement, on a un monde pluralitaire. Dans le temps psychologique, il n'y a que un monde dualitaire. Mais dans le phénomène de la matière, où c'est encore plus ralenti, on a une pluralisation des phénomènes. La nuit, c'est noir, elle peut être noire ou elle peut être blanche, claire. Mais dans le domaine de la matière, on peut voir aussi que la nuit, elle est noire, elle est moins noire, elle est moins noire, jusqu'à temps qu'elle devienne un peu plus claire, de plus en plus claire. Dans la psychologie de l'homme, ben, il y a la nuit puis il y a le jour. Alors, il y a le mal et il y a le bien. Pourquoi la nuit, elle est noire? Parce qu'il y a absence de lumière, réponse matérielle, puis c'est la réponse totale avec. Pourquoi on ne comprend pas des choses? Pourquoi on pose des questions qui peuvent être similaires? Simplement parce qu'il y a absence de réponse, donc absence de jour, en faisant des relations. L'expansion de l'univers. Mais disons que j'en ai déjà parlé. Je me suis permis d'en parler parce que vous étiez à un niveau où on pouvait parler du temps, où on pouvait parler de l'expansion de l'univers, de l'impossibilité du Big Bang, malgré sa réalité, où on a pu parler des différents cieux, où on a pu parler de différentes choses, lors de la dernière conférence du mois. Vous étiez rendu à un niveau suffisamment inférieur pour que moi, je sois obligé de parler de ces choses-là. Chose que vous ne pouvez pas comprendre, chose qui ne pouvait vous mener à rien et chose qui ne pouvait pas vous être utile. Espérant aujourd'hui que vous êtes à un niveau suffisamment supérieur pour qu'on puisse réellement commencer à monter haut, on va s'attaquer à d'autres phénomènes de question. Ok, peut-être juste, je voudrais mentionner quelque chose concernant la noirceur. Il y a peut-être une base d'insécurité en tout de ça dans cette question-là. Pourquoi la nuit est-elle noire? L'absence de lumière, c'est un des aspects... L'absence de lumière, c'est un des aspects subtils de qui éveille l'insécurité de l'ego, dans le sens que l'absence de noirceur, l'absence de lumière, comme l'absence de son, le vide ou l'absence de mouvement, l'inertie, c'est les quatre aspects qui sont principalement la source de l'insécurité de l'ego. C'est sensoriel, puis si tes sens ne fonctionnent pas, ton astral, ton ego n'a pas de connaissance, donc elle a peur, c'est sûr. C'est ça. Disons que ça l'éveille un certain malaise, puisque l'ego... Et pas en position pour faire des formes. Comme l'ego évolue dans les formes, puis il ne peut pas faire de formes par le visuel, mais ça réveille l'insécurité. Donc, ce qu'on a dit l'autre fois aussi, c'est que s'il n'y aurait pas de nuit, il ferait jour tout le temps, puis tous ceux qui travaillent de nuit perdraient leur job. Bon, ça, c'est un aspect très concret. OK. Il y a des très bonnes questions aussi. Comment être certain que c'est le supramental qui se manifeste par la parole et non pas un désir de l'ego que ce soit bien ce supramental? Comment rester les pieds au sol et la tête au ciel? Francis. Bon, on peut pas, enfin, vous pouvez pas être certain. Cherchez pas à être certain, vous pouvez pas l'être certain. La tête dans le ciel, les pieds au sol, c'est un phénomène qu'à un moment donné, vous allez devoir éliminer. Gardez donc les pieds à terre, la tête à terre, puis tout à terre. C'est dans tout ce qui est à terre que vous allez rencontrer tout ce qui est désert. Mais ce n'est pas en grimpant au plafond qu'on va trouver réellement ce qui est au plafond. Tout ce qui est en haut est pareil à ce qui est en bas, qu'avait dit Hermès. C'est non seulement vrai, mais c'était dans le but d'essayer d'expliquer à un individu, d'arrêter de fouiller dans le ciel pour comprendre des choses du ciel. Vos problèmes, ce n'est pas des problèmes célestes. Le problème de Dieu, c'est un problème humain. Votre problème, c'est un problème divin. Dans l'illusion. Comment être certain que c'est le supramental qui se manifeste par la parole et non pas un désir de l'ego? Que ça peut bien vous faire. Ça ne change rien à rien. Moi, quand je parle de temps en temps, c'est mon ego, ou c'est-à-dire c'est mes mémoires, c'est mon astral qui parle, ou l'astral planétaire, l'astral akashique, dont à un moment donné, c'est une énergie supérieure. Mais moi, je ne suis pas en quête ou en recherche de savoir si j'ai raison ou non. Quand je parle, je m'écoute, je suis capable moi-même de raisonner ce que j'ai dit de par mon plan mental. Puis vous autres, ce que vous faites avec, c'est de vos affaires. Je n'ai pas moi à savoir puis à être sûr que ce que je dis, c'est supramental. De toute manière, si supramental, ça change quoi? Vos égos allez l'interpréter d'une manière comme ça va lui plaire. Mais si moi, c'est pas supramental que c'est astral, ça ne change rien au phénomène de vos égos à vous autres. Quand vous parlez à quelqu'un, de savoir si c'est l'énergie supramentale qui va être interprétée en parole ou l'énergie astrale, on s'en balance. Sérieusement parlant, on s'en balance. Il va y avoir un petit truc. La personne qui pose ça, c'est qu'elle parle et que de temps en temps, elle pense que c'est son énergie supramentale. Pourquoi qu'elle ne s'est pas posée la question et qu'elle n'a pas essayé d'y répondre? Elle l'aurait su, c'est le supramental qui parle. Il y aurait donné la réponse. Puis la réponse, mentalement, elle a juste à l'analyser après. Puis elle la repose de temps en temps. Posez-vous donc vos questions. Posez-les vos questions. Oralement, si vous voulez. Mais vous pouvez me les poser parce que vous n'avez pas de réponse suffisante. D'accord. Mais vous allez comprendre vachement mieux si vous autres vous posez vos questions. Est-ce que présentement, moi je parle? Est-ce que présentement, quand je réponds ou quand je parle immédiatement, est-ce que c'est de l'énergie supramentale qui va être transmise ou non? Alors la réponse, non. Pas tout le temps. Parce que l'énergie qui est transmise par ma parole, elle est ajustée par différentes sortes et différentes formes d'ajusteurs de pensée, d'ajusteurs de parole à tous ceux qui sont présentement ici. Alors, ce qui fait que de temps en temps, certaines formes de transmission peuvent être données par l'énergie supramentale, directement, sans ajustement, parce qu'elle n'est pas dangereuse pour deux raisons. Elle est comprise ou elle ne peut absolument pas être comprise, et elle ne peut pas être déformée par l'auditoire. Et de temps en temps, dans la même phrase, certaines formes de mots, certaines intonations vont être directement reliées au plan astral, parce que ce plan astral-là, est énormément plus évolué que le plan astral normal, est en relation avec le plan astral de l'auditoire, ce qui fait qu'il est capable de percevoir les possibilités de compréhension, les possibilités de mélange de l'auditoire, donc il va être capable, de temps en temps, quand l'énergie supramentale décide de ne pas s'imposer, de pouvoir contrebalancer le manque supramental pour pouvoir rester dans un rayonnement supérieur et suffisamment accessible à la masse. La masse présente dans une salle lorsque moi je parle. Ben voilà, c'est la réponse. Si vous vous posez vos questions, vous allez aussi avoir vos réponses. Puis après ça, mon mental est capable de vérifier si la réponse a de l'allure. Puis moi, par l'expérience de mon astral, je sais que c'était une réponse supramentale. Un des problèmes, c'est que les gens ne se donnent pas la peine de se poser la question parce qu'ils s'imaginent que c'est juste qu'on est dans le supramental que ça va nous répondre. L'astral peut répondre de maudite bonne manière, le matériel, la vie, le mental et le supramental. Mais pourquoi rechercher un maître plutôt qu'un autre? Tout ce qui rentre à votre conscience, quel que soit l'ordre vibratoire de la conscience, ça veut dire quoi l'ordre vibratoire de la conscience? Mais quand je le définis, souvent, ça entame certains. Je ne le définis pas, là. Mais vous ne savez pas c'est quoi, hein? Puis si je vous dis que l'ordre vibratoire de la conscience, ça dépend du c'est le plan physique, le plan vital, le plan astral, le plan mental. Oh! Je dis, bon, on le définisse pareil. Hein? Tout ce qui rentre à l'homme, tous les maîtres, tous les guides, bien, ça dépend de l'ordre vibratoire de la conscience. Tout ce qui arrive à votre conscience, donc dépendant de l'ordre vibratoire de votre conscience. Votre conscience matérielle a besoin de leçons matérielles et de maîtres matériels. Votre conscience vitale, astrale, mentale et supramentale a besoin de maîtres dans ces plans-là. Fermer les portes au maître astral, c'est fermer ses portes aux vérités astrales. Mais l'astral n'arrivera pas à être déteinté, à être pur, à être égoïquement détruite s'il n'y a pas des maîtres astrales qui viennent lui parler. Parce qu'imaginez-vous que l'énergie supramentale doit être transformée en énergie mentale par le mental, doit être transformée en énergie astrale par l'astral, doit être transformée en énergie vitale si vous voulez que ça vous guérisse, doit être transformée en énergie physique si vous voulez aussi que ça guérisse votre corps physique. Fermer les portes à ces formes d'expression de l'énergie-là, ben c'est fermer ses portes à tous ces phénomènes-là. Fermez vos portes à un individu qui vient vous montrer, même s'il est ivre mort, il vient vous montrer comment vivre avec ça, ben... Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes loin du Père supramental, ou du Père bouddhique, ou du Père divin, ou du Père mental, ou du Père ce que vous voudrez. Vous êtes perpétuellement loin d'eux autres. Il y a le phénomène du doute qui rentre souvent en arrêt de ça, même si tu poses la question, un élément de réponse arrive, puis tout de suite le doute se met là-dedans. Le doute, c'est salutaire, c'est parfait. C'est pour ça que c'est ton mental qui doit l'analyser. Qui va douter? L'astral. L'astral, il n'y a rien à faire dans l'analyse. L'astral, ça vaut rien pour l'analyse. L'astral, c'est de la merde pour l'analyse. Bon. Alors, automatiquement, doutant, l'astral, bien, qui doute, tant mieux. Laissez-le douter, c'est parfait. S'il panique, c'est parce que c'est lui qui contrôle. Parce que s'il panique, il va aussi faire paniquer le corps. Donc, c'est lui qui le contrôle. Non. Il faut que le mental contrôle. L'autre, qui doute, tant mieux. En doutant, qui relègue son mental, puis le mental s'arrangera avec. C'est tout. Si vous doutez encore, parfait, oubliez-le. À un moment donné, le mental va finir par le répéter suffisamment à votre psychologie pour qu'elle ne doute plus de ça. Mais douter, ne plus douter d'une chose, ne veut pas dire l'accréditer. Ça, c'est important que vous le compreniez. Ne pas douter, ça ne veut pas dire que vous le savez. Ne pas douter, ça ne veut pas dire que vous l'accréditez. Douter, ça ne veut pas dire que vous vous dirigez vers la compréhension. Et douter ne veut pas dire non plus que vous vous dirigez vers l'incompréhension. Moi, je doute pas, je doute plus jamais de ce que je dis. Ça ne veut pas dire que je crois tout ce que je dis. Ça ne veut pas dire que je sais tout ce que je dis. Ça veut simplement dire que je doute plus. Mais je doute plus parce que je crois plus. Puis tant que vous pouvez croire, vous devriez douter. C'est pour ça qu'on doute avec, parce que vous avez des concepts, vous avez des croyances. Puis tant qu'il va, il va subsister des parcelles de croyances en vous, donc des endroits de votre mémoire où vous allez mettre de l'importance, où vous allez espérer que c'est vrai. Donc, tant qu'il va subsister des croyances en vous, de l'espoir en vous, ben vous allez douter. Puis c'est parfait, parce que si vous ne doutez pas, vous avez une croyance, vous êtes perdu. Prochaine question. Lorsque ça me dit « tu » dans ma tête, qui me dit « tu » ? Ça peut être une entité astrale ou l'énergie qui entre en contact avec notre mental. Comment faire le discernement de ce que ça me dit dans ma tête, que ce soit d'une entité ou de notre esprit, qui lui aussi nous manipule à sa façon? Michel. Sacre beau crapaud de malheur. Qui pose la question? Lorsque ça me dit-tu dans ma tête, qui me dit-tu? Qui veut le savoir? Posez-vous des questions, observez ce qui se passe. Lorsque ça me dit-tu dans ma tête, qui me dit-tu? Ça peut être une entité, qui c'est qui commence à élaborer? Comment faire le discernement? Qui veut faire le discernement? Entre quoi et quoi? De ce que ça me dit dans ma tête, que ce soit d'une entité ou de notre esprit. Mais c'est notre esprit, c'est qui pose la question? C'est pas l'esprit, parce que c'est pas l'esprit de celui qui posait la question? Le phénomène du question-réponse là, inclus. Dans l'astral, dans l'ego, il y a plusieurs choses qui viennent former l'ego. Et dans l'âme, il y a en plus les mémoires volatiles. Les esprits, les intelligences. Parce que les intelligences extérieures, une intelligence qui vient vous parler, ça peut être l'astral bas. C'est une intelligence qui vient vous parler. Ça peut être Lucifer, c'est une intelligence qui vient vous parler, crime, c'est intelligent, il manipule la Terre au complet. Ça peut être votre corps physique, c'est une intelligence avec, d'un ordre matériel, c'est une intelligence. On fait souvent confiance aux intelligences, mais nous on appelle, le moindrement qu'on a un contact, on appelle ça une intelligence. J'ai vu la personne, une personne chère qui était morte hier, elle m'a dit ça telle chose, je suis sûr que ça a de l'allure, c'est une intelligence qui m'a parlé. L'intelligence astrale, qui peut te fourrer comme qui peut t'aider. C'est-tu bon ou c'est pas bon une intelligence? C'est pas bon. Une intelligence supérieure ou inférieure, c'est pas bon. C'est pas bon tant que mentalement parlant, tu peux pas toi-même être ta propre intelligence pour pouvoir déterminer de par toi-même ce qui va. Hey, imaginez-vous qu'on fait tous confiance à l'ajusteur de pensée. C'est la mode. Alors, l'énergie descend puis est ajustée par l'ajusteur de pensée, ce qui fait qu'on n'a pas à s'en faire. Mais imaginez-vous donc qu'à un moment donné, ce fichier ajusteur-là, il ferait défaut. Puis ce qui arrive des fois, ça se fait. Un ajusteur de pensée qui n'est pas apte à faire son rôle. Mais si votre mental, si vous n'avez pas votre propre intelligence, puis que l'ajusteur de pensée fait défaut, c'est qui va devoir faire la job? Personne, hein? Bien, il y en a plein de personnes aussi qui conscientisent, puis tout d'un coup virent fou, qui capotent, comme on dit. Les ajusteurs de pensée, il y en a de plus en plus sur la planète Terre, qui sont réellement en harmonie vibratoire, en début, en tout cas, d'harmonie vibratoire entre le plan mental et le plan supramental. Mais ils ne sont pas tous expérimentés. Ça veut dire quoi? On s'en fout, vous ne pourrez pas comprendre ça. Mais comprenez au moins une chose, c'est qu'ils ne sont pas tous expérimentés, donc il y en a là-dedans qui vont pouvoir faillir à leur tâche. Qui vont être incapables de pouvoir ajuster une descente d'énergie supramentale de façon à ce qu'elle ne vienne pas brûler vos neurones, former des contacts qui vont être faux. Elles vont, l'énergie supramentale a comme premier rôle dans l'énergie intellectuelle, donc début mental, Le premier rôle de l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, ça va être de formater votre plan mental, donc votre intellect. C'est-à-dire de détruire complètement votre intellect, de détruire complètement toutes les programmations inhérentes à votre intellect, programmations qui ont été bâties par l'astral, de détruire, d'effacer, de faire un lavage de cerveau total et global dans votre intellect. Et après, lui-même, l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, va être capable de placer de nouveaux programmes. Des programmes 150 milliards de fois plus rapides. Des programmes 150 de fois milliards plus adéquats au contexte dans lequel vous allez être placé. Mais si votre ajusteur de pensée fait défaut, si les intelligences qui viennent vous parler ou qui vous habitent ou qui vous manipulent ou n'importe quoi font défaut, si votre ange gardien fait défaut, vous devenez des petits bébés tout nus qui viennent de naître, qu'on met dans la jungle puis qui meurent au bout d'une demi-heure parce que pas capable d'être fonctionnel de par lui-même. Ce que vous devenez, va à peine les supérieurs. Vous devez avoir votre propre intelligence. Et cette intelligence-là, c'est la seule qui va pouvoir vous guider. C'est la seule qui va pouvoir vous mener. C'est la seule. Elle va être formée de choses logiques. C'est tout. Vous ne pouvez pas être teinté de ce que je dis, ou d'être teinté de ce que n'importe qui va dire, ou d'être teinté d'un événement, ou de rien. Parce que vous avez un début mental qui va analyser. Ça n'a pas d'allure, on s'en fout. Ça a de l'allure, on s'en fout aussi. Quand c'est utile, tu t'en sers. Quand c'est pas utile, tu t'en sers pas. C'est juste là. Juste là. Que peut être pratique dans le vie, dans l'état d'être ici et maintenant, des phénomènes expérientiels. Quand vous en avez besoin, servez-vous-en. Si vous êtes teinté lorsque vous en avez besoin, c'est que votre mental n'est pas suffisamment développé pour pouvoir empêcher la manipulation de l'astral. Mais si on s'en fout, observez-le. Juste l'observation du mental finit par développer un réflexe mental dans le mental qui finit par lui dire, regarde, tu fais ça encore, mais ça n'a pas d'allure, c'est pas logique, c'est pas mathématique. Il se fait dominer pareil. Puis à force de vivre le fait que c'est illogique, bien, à un moment donné, il l'interdit à l'astral. Donc, l'observation développe le plan mental et développe le maître mental sur l'astral. Les intelligences, ça veut simplement dire que celle-là, dans le cadre planétaire, selon la vision de l'homme, une volonté. C'est ça une intelligence, ça a une volonté. Une volonté, on l'a déjà vu, c'est l'expression de l'énergie. Vous faites la volonté du Père quand vous exprimez la volonté du Père. Vous faites la volonté du Père mental ou du Père astral quand vous exprimez ça. Mais l'intelligence aberrée de l'astral, puis je l'ai déjà dit souvent que l'astral avait une intelligence, mais aberrée, donc inférieure comparativement au mental. Quelle que soit l'intelligence qui vienne vous parler, vous devez, avec votre propre intelligence, celle du mental, pas celle de votre mémoire, celle du mental, celle qui peut analyser logiquement, pas celle qui peut voir si ça fit avec vos idées. Elle ne peut pas savoir si c'est intelligent ou non. Avec votre intelligence mentale, plus haut que l'intellectuance, vous allez être capable de pouvoir gérer. Parce que si à un moment donné, l'énergie supramentale décide de vous fourrer et que vous n'êtes pas prête à le faire, vous allez vous faire embarquer. Puis vous allez devenir ce que moi j'ai refusé d'être, un martyr du supramental. Parce qu'on a besoin de martyrs. Du monde qui vont être supramental, qui vont parler tout partout, puis qui vont se faire crucifier, ou qui vont se faire descendre, ou qui vont se faire torturer, ou qui vont se faire, etc. Le besoin. Ceux-là qui vont transformer l'astral planétaire, c'est ceux-là qui vont laisser des traces réellement radicales dans l'astral planétaire d'énergie supramentale. C'est les martyrs du supramental. Ceux-là vont aider le reste de l'humanité, ils vont aider l'astral à s'énergiser encore plus radicalement, plus hautement vibratoire, ou vibratoirement. Mais c'est eux autres qui vont payer pour. Ils vont partir pour. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais à un moment donné, si le supramental décide que c'est vous autres, puis que vous n'avez jamais eu d'intelligence, que vous vous fiez, à un moment donné, vous allez faire ramasser comme différents martyrs du supramental que nous, on se plaît à appeler maître. Ouais, maître du monde, etc. Comment faire le discernement? On n'a pas à le faire, le discernement. On se balance d'où c'est que la connaissance vient. Quand on vous dit, vous prenez un livre, le livre n'est pas bon, il y a une affaire qui vous plaît, vous le ramassez. De savoir que l'homme ne rend pas était un vrai maître, ben non, un maître mystificateur, en tout cas, il était au moins maître, c'est sûr. Maître mystificateur ou maître de raison. Mais l'important, c'est s'il y a des choses qui vous transforment, vous les prenez. Parce que vous jugez pour. Si je vous dis, lisez ce livre-là, il est parfait. Mais vous allez quand même placer un raisonnement mental quand même dedans, sinon vous êtes stupide en maudit. Parce que le livre s'appelle supramental, ben là, on décide qu'on raisonne plus. Ça, c'est stupide. Comment faire le discernement? Il n'y a pas de discernement à voir là-dedans. Le seul discernement qu'il y a, c'est entre le mental et l'astral. Là, il y a un discernement qui doit être opéré. Le mental doit savoir si c'est lui qui vient de parler ou si c'est l'astral qui vient de parler. Lui doit savoir pour faire taire l'astral. Puis une fois que le mental y est là, le mental se doit, lui, de gérer votre vie, votre mental. Que ça vienne du plan supramental, que ça vienne du plan astral, que ça vienne de n'importe où, on s'en fout. Si c'est pas adaptable à vous, par le mental, c'est pas bon. C'est refusé, c'est rejeté. Fiez-vous à votre mental. Qui ça? Le mental. Ben, fie-toi à toi, à rien d'autre. Juste à ça. C'est juste là qu'on peut se fier. Quand le mental se fait lui-même, vous vous fiez à vous. Pas à votre mémoire, pas à votre expérience, pas aux traces qui ont été gravées avec des marteaux puis des n'importe quoi à l'intérieur de votre psychologie. C'est quoi ces traces-là? Ben, c'est toutes les souffrances que vous avez vécues, puis toutes les jouissances que vous avez vécues. Ça, c'est des traces. C'est pas ça, votre intelligence. L'intelligence ne trouve rien de beau. Il trouve ce que c'est tout. Alors ça, c'est très important. Discernement entre l'astral et le mental, bien important. On le répète souvent, hein? Ça devient tannant, hein? Oui, vous ne l'avez pas non plus, vous cherchez le discernement entre le supramental et le mental. Non. Que ça vienne de n'importe où après, ça n'a plus d'importance, on est capable d'être le maître. À un moment donné, je lui ai dit, le mental va être le pire ennemi du supramental, puis le mental va être le pire ennemi de votre évolution. Le mental va jouer le même maudit rôle que l'astral joue présentement, vous empêcher d'évoluer. Mais c'est l'astral qui crée le mental. C'est le mental qui va amener l'énergie supramentale à l'homme. Il faut qu'on ait un mental suffisamment puissant pour le faire, comme il a fallu un astral suffisamment énergisé pour le permettre. Maintenant, l'astral, c'est un problème. Ça l'a été notre sauveur. Le mental, pensez pas le détruire tout de suite. Vous ne serez jamais sauvé. Le sauveur, on le détruira après, quand on n'aura plus besoin de lui. C'est pas égoïste, intelligent. Je pense qu'on va prendre un break. Petit repos, et on revient après pour la deuxième partie de la conférence.